Vive la France. Extrait des Petits Contes alsaciens, écrit par Jules Girardin, lu par Armène pour Audiocité.net. Récit d'un brave garçon de Belfort qui a servi comme volontaire dans l'armée de l'Est. Si vous voulez savoir son nom, il s'appelle Aloysius Steuben. Si vous voulez savoir mon opinion, il reprendra son fusil quand on voudra. C'était par une triste journée de la fin de janvier. Depuis le matin, nous pataugions dans la boue et dans la neige. Quelle misère! Mais on y était si habitué qu'on ne s'en plaignait plus. Tout d'un coup, on nous fit faire halte. Le bruit courut qu'il venait d'arriver des ordres du général en chef. Les officiers se réunirent autour du colonel. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» nous demandions-nous les uns aux autres. Notre vieux lieutenant, qui revenait en hâte de notre côté, avec la figure d'un homme désespéré, entendit cette question. Il se tourna vers nous. Mais au moment de répondre, il se mordit la moustache pour ne pas pleurer. « Il y a, dit-il enfin, que nous sommes cernés. Il y a que nous sommes forcés de nous réfugier en Suisse. » Tous les soldats se regardèrent d'abord sans rien dire. J'ai vu là des regards que je n'oublierai de ma vie. « Mais nous ne demandons qu'à nous faire tuer, » dit une voix vibrante derrière mon épaule. « c'est vrai, » murmurèrent plusieurs autres voix. « Et moi, je dis, comme les autres, c'est vrai. » Le lieutenant nous regardait, mais il ne pouvait parler, son émotion était trop forte. Machinalement, il avait fait passer son sabre de sa main droite dans sa main gauche, et il en serrait violemment la poignée contre sa poitrine. Comme les autres compagnies se mettaient lentement en marche pour obéir aux ordres reçus, il essaya de commander les mouvements, mais la voix lui manqua. Alors il nous fit signe de la main droite, et l'on n'entendit plus que le bruit sourd de nos pas dans la boue. Il y avait beaucoup d'hommes qui pleuraient. La campagne que nous traversions me parut affreuse. On dit cependant qu'elle est belle en été. Mais les coteaux couverts de neige semblaient trop rapprochés et tranchaient durement sur un ciel sombre et bas. Les routes étaient défoncées. L'on entrait dans la boue jusqu'aux genoux. Enfin, nous aperçûmes les fils noirs d'un télégraphe, les poteaux qui bordaient la voie ferrée, et nous arrivâmes à une petite station où nous attendait un long convoi de wagons de toute espèce. « Pressez-vous, pressez-vous !» disaient les officiers en marchant à grands pas le long de la voie. Dans mon empressement à obéir, je manquais le marchepied de mon wagon et je serais tombé si un vieil employé du chemin de fer ne m'eût soutenu par-dessous les bras. Cet homme avait une bonne et honnête figure et me regardait avec intérêt. Mais mon cœur était fermé par l'excès de la souffrance et du désespoir. Mes nerfs étaient irrités par la fatigue et le manque de sommeil et de nourriture. Je me mépris sur l'expression de sa physionomie. Je pris pour une curiosité importune ce qui n'était qu'un intérêt bienveillant. « Et puis après, » lui dis-je avec violence. « Rien, mon enfant, rien, » répondit-il avec bonté. Comme il fermait doucement la portière, je m'assis dans un coin du wagon. J'appuyai mes deux coudes sur mes genoux, ma figure sur mes mains, et je me mis à pleurer amèrement. Personne ne parlait dans le wagon. Ceux qui avaient encore du tabac fumaient. Les autres tâchaient de dormir. Nous ne dormions plus depuis 3 jours. Quant à moi, j'étais si harassé que je m'assoupis par degrés. Mais cet assoupissement n'était pas du repos. Les images les plus terribles, les rêves les plus affreux faisaient de ce demi-sommeil un pénible cauchemar. Quand le train s'arrêta, il faisait nuit. On nous dit de descendre, nous descendîmes, et tant bien que mal nous formâmes les colonnes. je fus tout surpris de trouver un zouave à mes côtés. Il s'était perdu dans les neiges et s'était réuni à nous. Comme il était plus robuste et plus expérimenté que moi, il m'aidait à porter mon fusil et mon sac dont la bretelle me coupait l'épaule. La réverbération de la neige répandait une demi-lumière dans les ténèbres de la nuit et par moments j'entrevoyais la figure du zouave. Il avait toujours les regards fixés en avant, sans jamais tourner la tête ni à droite ni à gauche. À travers ses grandes moustaches blondes, j'apercevais ses dents serrées, entre lesquelles passait un souffle saccadé et parfois un bref gémissement de fureur contenue. Je crus d'abord qu'il était blessé, mais il marchait d'un pas trop ferme. 20 fois je fus sur le point de lui demander ce qu'il avait, mais j'étais si engourdi par le froid, si abattu par la fatigue et l'idée de la défaite, que chaque fois le courage me manquait. Je me décidai pourtant. « Zouave, qu'avez-vous donc ?» lui dis-je d'une voix entrecoupée. Il me regarda d'abord d'un air surpris. Ses yeux brillaient du feu de la fièvre. « Ce que j'ai ?» dit-il enfin. « Oui, j'ai que c'est le commencement de la fin. Voilà ce que j'ai. Ah, malheur, il me demande ce que j'ai. » Le regard qu'il me lança fit courir un frisson dans mes veines. Je me réveillai brusquement comme d'une léthargie. La vérité m'apparut dans toute son horreur. Oui, il avait raison, c'était le commencement de la fin, et je vis, comme à la lueur d'un éclair, le pays envahi de tous les côtés, ses dernières armées détruites ou prisonnières, et derrière tout cela, le bon plaisir du vainqueur. Je ne sais pas depuis combien de temps nous marchions lorsque je me heurtais brusquement contre l'homme qui marchait devant moi. Il y avait un temps d'arrêt, je ne m'en étais pas aperçu. « Qu'est-ce que c'est ? » demandai-je machinalement. Ce fut le zouave qui me répondit. « C'est la frontière, » dit-il d'un ton sec, « c'est là que nous posons les armes. » Alors il prit sa grande barbe à poignée et ne dit plus un mot. Je fis un pas hors du rang pour voir ce que c'était que cette frontière, mais je n'aperçus rien d'abord que la lueur de quelques lanternes et des ombres qui s'agitaient. À mesure que nous avancions lentement en piétinant dans la boue, les objets devenaient plus distincts à ma vue. Un piquet de soldats suisses était là sous les armes. Je les voyais maintenant avec leurs petits shakos à visière ronde et leurs grandes capotes grises. Des sentinelles se promenaient l'arme au bras, le reste du piquet regardait. Le drapeau de la Confédération helvétique flottait près d'une des lanternes. À mesure que nos hommes arrivaient, on les voyait se baisser, se relever au bout d'un instant et rejoindre ceux qui étaient devant. Quand notre tour fut venu, je regardais les soldats suisses. Je les trouvais trop bien équipés, trop bien nourris. Que sais-je encore ? Ils nous contemplaient avec un flegme qui m'exaspéra. S'ils nous avaient témoigné de la pitié, disposé comme je l'étais, j'aurais pris cela pour une insulte. Pourtant, j'aurais voulu voir quelque chose sur ces figures immobiles. Je n'étais pas assez vieux soldat pour comprendre qu'ils accomplissaient de leur mieux un devoir pénible. Je le compris plus tard. Le zouave, isolé au milieu d'un régiment de ligne, attira l'attention d'un des soldats qui pencha un peu la tête pour mieux le voir. « Oh, tu peux me regarder !» lui dit le zouave en se redressant. « Je suis pincé, c'est vrai, mais je me suis bien battu, va !» L'homme ne broncha pas, mais, avec un clignement d'yeux expressif, il dit à demi-voix les mots suivants, que j'entendis très distinctement. « Nous le savons, pauvres gens. Vive la France !» Ces quelques mots, prononcés par un inconnu, en pareilles circonstances et en pareil lieu, me firent tressaillir. dans l'immense désastre où nous nous trouvions enveloppés, j'avais cru que tout était perdu, même l'honneur. Ainsi donc, on nous tenait pour battus, mais non pour déshonorés. Dans mon âme, l'amertume de la défaite en fut adoucie, et sans que je puisse dire pourquoi, j'entrevis comme une lueur d'espérance, et à l'instant mon cœur en devint plus léger. Le désarmement, qui, quelques minutes plus tôt, m'avait semblé le dernier des outrages, me parut désormais ce qu'il était réellement, une précaution nécessaire, l'accomplissement pénible, mais légitime, d'une clause inscrite dans le code du droit des gens. Je ne dis pas que le rouge ne me monta pas à la figure quand je jetai mon fusil sur le monceau d'armes où il rebondit avec un bruit sec. Je ne dis pas que mes mains ne tremblèrent pas quand je défis mon ceinturon pour jeter mon sabre baïonnette. Mais le plus amer du sacrifice me fut épargné par les paroles du soldat inconnu. Je vis qu'elles avaient produit le même effet sur le zouave. Les traits de sa figure s'étaient détendus. « Il y a de bonnes gens partout, » me dit-il de son ton laconique. « En route, et ma foi, vive la France !» Cette nuit-là, faute de logement, on nous fit bivouaquer dans les rues d'une petite ville que je crois être Yverdun. Mais mes souvenirs sont bien confus. Des enfants commencèrent à rôder autour de nous. Ce n'était pas la curiosité qui les attirait, les pauvres petits. Les femmes de la ville, ne sachant comment nous prendrions la chose, les avaient envoyés en avant pour nous apporter des vivres. Encouragées par l'accueil qu'avaient reçu les enfants, elles osèrent nous témoigner ouvertement leur pitié et leur sympathie. Que Dieu les récompense pour le bien qu'elles nous ont fait. Dès le lendemain, nous fûmes répartis dans des localités différentes. Le zouave, quelques camarades et moi, nous fûmes internés de l'autre côté du lac de Neuchâtel. J'étais devenu l'hôte d'une excellente famille de cultivateurs. Comme à Yverdun, les femmes nous témoignèrent ouvertement leur sympathie. Le père de famille, le patriarche, comme nous l'appelions, était un vieillard très sensé et remarquablement instruit pour un paysan. Il nous aimait, nous le voyions bien, mais il était trop prudent et trop politique pour nous le montrer aussi ouvertement que sa femme et ses filles. Il était volontiers sentencieux et ne nous ménageait pas les leçons. Ma famille m'envoyait des journaux français qu'il lisait avec une sage lenteur et qu'il ruminait longuement. Quand il les avait médités mûrement auprès de la fenêtre ouverte, au tic-tac de son coucou, il les repliait soigneusement dans leurs plis, mettait par-dessus sa grosse main brune et disait « Voilà vos plus grands ennemis !» Et comme nous affections une vive surprise, il ajoutait d'un ton dogmatique « Oui, les plus grands ennemis des Français, ce sont les Français. Je vois chez nous des journaux qui ne vous sont pas favorables, surtout ceux des cantons allemands. Croyez-moi, il n'y en a pas qui disent plus de mal de vous que vous-même. Vous êtes des gens étonnants. Quand vous êtes dans la prospérité, vous êtes insupportable avec votre vanité. Il n'y a que la France par-ci et la France par-là. Alors les autres peuples se disent « Eh bien, nous autres, nous sommes des chiens. » Et pour maintenir l'équilibre européen, il faut bien que l'on dise pique-pendre de vous. Bon, aujourd'hui, vous voilà malheureux. Que disent vos journaux? Tout est perdu. La France ne s'en relèvera jamais. Et morbleu! Elle a été plus bas que cela, et il me semble qu'elle s'en est relevée. Alors il faut bien que les étrangers, pour faire contrepoids, vous disent « Mais, mes bons amis, vous n'êtes pas perdus. Mais vous vous en relèverez, si toutefois vous voulez vous en donner la peine. » Mais la France, pardon, je suis neutre, et je n'en dois pas dire davantage. Ceci même doit rester entre nous. Pas un mot de tout cela si vous écrivez à vos familles. Et en tout cas, ne mettez pas mon nom. Diable, que dirait le Grand Conseil et les puissances européennes ? Les femmes, je l'ai dit, passaient volontiers par-dessus la tête du Grand Conseil et des puissances européennes pour en appeler directement aux principes éternels de l'humanité et de la justice. Avec cette pitié qui n'est jamais blessante, avec ce tact délicat qu'elle trouve tout au fond d'un cœur généreux, elle jugeait par des mots simples et profonds les vainqueurs et les vaincus de la dernière lutte. Quelquefois, à la veillée, il y avait autour de la lampe une nombreuse société venue des fermes voisines. Le patriarche, pour éviter d'être compromis aux yeux du Grand Conseil et des puissances européennes, s'enveloppait discrètement dans des nuages de fumée. Invisible et présent, il écoutait tout ce qui se disait. Il n'osait pas approuver en si nombreuse compagnie, mais il en avait grande envie, comme il me l'a avoué depuis. Un jour, sa femme avait dit quelque chose de particulièrement touchant. Le zouave, d'ordinaire réservé et silencieux, se leva de son escabeau, marcha droit à elle, et, lui prenant la main dans les deux siennes, lui dit d'une voix émue : « Vous, vous êtes une brave femme. » « Pour ça, c'est vrai. » dit gravement une voix qui sortait du nuage. Enfin, l'ordre du départ arriva. Quelles émotions ! C'était par une belle matinée de printemps. Le soleil s'était levé au milieu d'une sorte de buée lumineuse et transparente qui enveloppait le lac et les montagnes d'une véritable lumière d'apothéose. Je regrettais sincèrement mes hôtes qui s'était montré si bon et si compatissant. Mais j'allais revoir mon pays que j'aimais 10 fois plus depuis que je l'avais vu si malheureux. Mes parents m'attendaient avec impatience. J'étais sûre de les revoir avant 48 heures. Cette douce lumière du matin me mettait la joie au cœur, et j'éprouvais une sorte d'ivresse à l'idée que cette horrible guerre était finie, que ma patrie vivait encore, que si elle était mutilée, ce n'était peut-être pas pour toujours, que les étrangers eux-mêmes avaient foi dans son avenir et salueraient sa renaissance. Le patriarche, si prudent d'habitude, était devenu ce matin-là tout à fait démonstratif. Il m'avait affirmé devant 3 notables que la France avait toutes ses sympathies. Les notables avaient opiné du bonnet. L'un d'eux avait même proposé de nous conduire jusqu'au bord du lac où nous devions nous embarquer. La femme du patriarche pleurait, et moi je pleurais aussi. Mais avec quelle joie intense, avec quelle plénitude de cœur !« Madame Reybatz, lui dis-je, Madame Reybatz, si vous saviez quel bien vous nous avez fait, vous et votre cher pays. Nous sommes arrivés ici, le désespoir dans l'âme et doutant de tout. Nous repartons heureux, forts, préparés aux luttes de l'avenir, quelles qu'elles soient. » Je donnai une cordiale poignée de main à Babélie, une autre à Anneli, beaucoup d'autres aux amis de Babélie et d'Anneli, qui toutes nous souhaitèrent bon courage et bon espoir. Alors, sans me retourner, je sautai dans la barque, et je me mis à contempler les montagnes qu'on entrevoyait comme à travers une légère gaze d'argent, de peur de pleurer encore si je revoyais leurs chers visages à tous. Quand nous fûmes à une bonne distance, je regardais la rive que nous avions quittée. Tous les gens du pays, éparpillés par groupes pittoresques, étaient venus faire leurs adieux à leurs hôtes d'un jour. Tout à coup, un de mes camarades hissa une sorte d'écusson sur lequel étaient écrits ces mots « Vive la France !» Le zouave se leva et se découvrit pour saluer. Ce fut comme un signal. Le patriarche, ôtant son chapeau et l'agitant en l'air, cria à la barbe du conseil « Vive la France !» Les femmes nous firent des signes d'adieu, et nous, nous nous mîmes à crier en chœur « Vive la Suisse !»